Yeah. Monsieur Michael Myers, sentez votre battement. Il est sur la farine, ils vont mourir. Brisez la droite, sentez votre battement. Différent à droite, tu vas bien. Il lit, regardez le partir. Move, je sais, lisse dans le défaut. Glisse à détourner, char des volets. Il est au sommet. Orteil, yeah. Monsieur Michael Myers. Oh, je sais fly. Breakdance. Mouse, toucher le toucher, le blast. Oh. Ressentir le rythme. Écouter le son. Oh. Frail, magic freestyle. Seulement. Pop et verrouillage. Le sauvage, sauvage. Énergétique, il est la goutte de style, style. Chaque mouvement tranchant et propre, le roi de la scène. Oh, signitatif, c'est sa portée de maintenant. Monsieur Michael Myers, beau à l'arc, arc. Sur le flotture, il est toi. Lecture de prétexte, restez là-bas.